Le président de l'association du district central et méridional de l'association générale des jeunes coréens en Chine a publié le 25 novembre un écrit pour déclarer que Bakounet, honte de la nation et escroque politique sont pareils, doit démissionner au plus tôt et se présenter au tribunal.